6-4, observation. Prononciation, la voyelle U. Écoutez. Salut. Comment vas-tu? Tu vas bien? Bien sûr. Excuse-moi. Le bus, c'est amusant. Notez que pour prononcer la voyelle U, le bout de la langue est contre les dents inférieures. Les lèvres sont avancées et arrondies.